Septième station. Jésus tombe pour la seconde fois. Nous vous adorons, ô Jésus, et nous vous bénissons, parce que vous avez racheté le monde par votre sainte croix. Pourquoi cette seconde chute du Sauveur? Ah, c'est qu'il ne s'agit pas seulement d'éclairer nos ténèbres et de remédier à nos péchés d'ignorance. Le péché originel a dégradé aussi notre libre arbitre. Désormais, nous sommes assujettis à la vanité, même sans le vouloir. Les démons nous sollicitent au mal, les objets extérieurs nous séduisent, les passions nous entraînent. Nous trouvons en nous-mêmes une loi de mort qui lutte contre la rectitude de notre raison. Je ne fais pas le bien que je veux, et je commets le mal que je déteste. Le divin Rédempteur, voulant réparer notre nature, ne se contente pas de nous donner la science du salut, de nous faire comprendre combien sa loi est juste et sainte. Il fortifie encore notre libre arbitre par sa grâce. Il nous mérite tous les secours dont nous avons besoin pour ne pas succomber à notre faiblesse. Et voilà pourquoi, portant en son corps la peine de toutes nos fragilités, il s'affaisse de nouveau sous le poids de la croix. Ô Jésus, c'est donc parce que je suis faible devant la tentation, que je me laisse dominer par mes passions, que l'occasion la plus légère renverse mes meilleures résolutions. C'est parce que je n'ai pas la moindre consistance dans le bien, et qu'il y a en moi un fond inépuisable de misère et de fragilité. C'est pour cela que vous tombez sous la croix, ô vous qui êtes la force du Dieu Tout-Puissant. Et comment ne succomberiez-vous pas, lorsque toutes les passions du genre humain et toutes les iniquités qui en sont la suite pèsent sur vous de tout leur poids? Mais c'est précisément parce que vous vous inclinez jusqu'à terre que je dois espérer fermement en vous, car vous ne vous abaissez que pour me relever, me porter en vos bras, me faire parvenir à ma fin, à la possession de Dieu même. Telle est l'éternelle et souveraine béatitude à laquelle, nonobstant mon néant et toutes mes misères, vous m'appelez par votre grâce et que je dois attendre avec une ferme confiance de votre miséricorde. Mais qui suis-je pour aspirer à cette félicité? Comment parvenir à pratiquer le bien, à me maintenir dans la vertu, moi qui trouve en moi-même tant de sujets de découragement et de désespoir? Ah Seigneur, prévenez-moi, excitez-moi par votre grâce, combattez et travaillez avec moi. Gardez, fortifiez, perfectionnez vous-même la bonne volonté et la vertu que vous m'aurez donnée. Quelles que soient mes fautes passées, j'attends de vous ma conversion. Je suis assurée que vous ne refuserez point le pardon à mon repentir. Ô céleste médecin, guérissez mes langueurs, défendez-moi contre les transports de mes passions, affermissez-moi contre mes mauvais penchants, éloignez de moi les périls des occasions, protégez-moi contre les assauts de mes ennemis. Ô Jésus, vous seul êtes ma force et mon appui, mon protecteur et mon refuge, mon rempart et ma défense. Vous seul êtes ma vie, ma miséricorde, le Dieu de mon salut. Autant je suis faible en moi-même, autant je serai fort en vous, si vous me fortifiez, ô divin Sauveur. Puissé-je donc me défier toujours de moi-même, m'appuyer uniquement sur vous, et n'espérer jamais dans les créatures comme en des instruments de votre miséricorde. Puissé-je désirer d'un désir immense la vie éternelle, aspirez sans cesse à la grâce et en profitez. Donnez-moi l'espérance chrétienne, mais une espérance ferme et inébranlable, une espérance humble et accompagnée du sentiment de mes fragilités et de mes misères sans nombre, une espérance qui m'excite constamment à suivre avec docilité tous les mouvements de votre grâce. Faites-moi bien sentir ma faiblesse, afin que, désabusé de moi-même, je comprenne que je ne suis rien, que sans vous je suis incapable d'avoir ni une bonne pensée ni un bon désir, de dire une sainte parole, de faire une action bonne et surnaturelle. Venez donc à mon aide, ô mon Dieu. Seigneur, hâtez-vous de me secourir, placez-vous à ma droite, afin que je ne sois point ébranlé. Donnez-moi l'esprit de grâce et de prière. À tous les moments de ma vie, soyez mon recours et mon soutien. Puissé-je avoir constamment les yeux fixés sur vous, de qui j'attends tout mon secours, marcher saintement en votre présence, me sentir toujours protégé à l'ombre de vos ailes et soutenu par la force de votre bras. Ô Jésus, je mets, aujourd'hui et pour toujours, toutes mes espérances en la puissance et la bonté de Dieu. Je compte sur ses promesses, sur vos mérites infinis et votre surabondante rédemption. C'est en vous, par vous, avec vous, que j'espère trouver grâce devant Dieu. Celui qui m'a donné un tel rédempteur, ne m'a-t-il pas tout donné avec lui? Fussé-je donc au milieu des ombres de la mort, j'espérerai toujours, j'espérerai même contre toute espérance, et ma confiance ne sera pas confondue. Dire à notre Père un « Je vous salue Marie ». Mère Sainte, accordez-moi cette grâce, imprimez fortement en mon cœur